Fun Radio. Fun Radio. Flash. I got love. Bonne soirée, bonnes vacances, bonne fête de fin d'année. On est à J-1 du plus gros événement en France. Bah oui, on passe en 2019, le mec, ça y est, hors sujet. Pour le compte Snapchat, c'est Ethan Fun Radio. J'ai une Daddy Fun en Auto, il habite en Ardèche. Mon Twitter aussi, allez-y, c'est Ethan Fun Radio. Vous laissez aussi un petit message avec le hashtag PartyFun ensemble jusqu'à minuit. Je m'appelle Ethan, je suis très content de passer cette soirée avec vous tous pour vous accompagner. Le son d'Anne sort de Fun Radio, Julian Jordan, Mille Finger, juste après Martin Garrix. Remix exclusif PartyFun sur Fun Radio. The sun in your eyes. Hold tight, another minute, another hour, baby, I'ma show you you can rely on me. I'll give you all you need. In a small cloud, trying to find ground in the place where we belong. We don't have to dream to make it beautiful, baby. In a dream, wake up, 'cause now you're in it. I wanna show you all the magic in the air, and tonight is free. It'll be all you need. In a small cloud, trying to find ground in the place where we belong. We don't have to dream to make it beautiful, baby. We won't burn out. Fun Party. Pendant vos vacances, Ethan mix dans Party Fun. Yeah. enjoy your time with Party Fun. C'est Party Fun sur Fun Radio. Ethan. On mix. Will you lay me down? Make my heart the only sound. Throw my fears all to the ground. Will you hold me? Will you serenade me with the song you used to play? Till the night turns into day. Will you hold me? Bienvenue dans la famille des DJ, des meilleurs DJ au monde. La famille Fun Radio, la famille Dance Floor. Ici c'est Fun Radio, ici c'est Party Fun. Jusqu'à minuit, je m'occupe de vous, je m'appelle Ethan. Demain soir, On sera en direct d'Avoria 1800 pour un party fun exceptionnel dès 22h avec le décompte officiel pour passer en 2019. Je compte sur vous pour rester connectés ici avec nous pour faire la fête sur Fun Radio. Nous aussi on fait la fête ce soir, c'est les vacances, on profite avec le retour du son dance floor. Dance Electro Kongs et Throttle, c'est Disco Night. Et Calvin Harris qui travaille sur le nouvel album de Rihanna avec David Guetta en ce moment. Ils sont tous sur Rihanna. Hâte de savoir ce que ça va donner, ce sera en 2019, ça arrive très très vite, bougez pas. Party Fun Live. Passé en 2019 avec Fun Radio. Vivez le Party Fun Live depuis Avoria 1800 en direct sur Fun Radio. Salut, c'est Azlove. Salut, c'est Matt. Imaginez la neige, une ambiance de dingue, du son de ouf et vous. Dès 22h, fêtez le réveillon sur les mix de Matt et Azlove. Party Fun Live, depuis Avoria 1800, c'est sur Fun Radio. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook et Instagram. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi, Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Téléchargez l'application gratuite Fun Radio. We can roll now, we can ride out. If there's something that you want, baby, we can go there. Anywhere you dare, I can show you something new later. If you want it bad and I want it bad, so we can do that. The things that you want, baby, been running around all over town. I finally found a way to get. Up your mind. C'est Party Fun sur Fun Radio. Ethan, on mix. College Square, flashing light, beating ball, disco night. College Square, flashing light, beating ball, this College Square, flashing light, beating ball, disco night. College Square, flashing light, beating ball, disco night. College Square, flashing light, beating ball, disco night. College Square, flashing light, beating ball, this College Square, flashing light, beating ball, disco night. College Square, flashing light, beating ball, this Fun. Sur Fun Radio. You know you get with the sound. That ass bat like a boom boom boom boom. Get your hands up. Vous l'avez compris, un party fun spécial pendant les vacances. Je m'appelle Ethan et je m'occupe de vous là jusqu'à minuit avant de retrouver un set exclusif du DJ Fun Radio. Cachemire. Plus de 40 minutes de mix dance électro non-stop, ça arrive très très vite avec mon coup de cœur de cette fin d'année, Marnik & Smack, c'est Gam Gam. Ça a été une grosse surprise psytrans. Marnik & Smack, ça c'est calé sur mes platines. Avec Son of Legend, Hold That Secret Down. Ça aussi, c'est une découverte party fun. Party fun spécial vacances de cet hiver. Bonne fête de fin d'année. On est reparti pour plus de 40 minutes de mix dance électro non-stop. Welcome back to the Fun Radio Ibiza Experience. Les meilleurs DJ vous donnent rendez-vous le vendredi 19 avril 2019. Are you ready? Pour ne pas rater la plus grosse soirée dance électro à l'Accor Hotel Arena de Paris, réservez maintenant vos billets sur funradioibisaexperience.fr. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi, Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Maintenant sur Fun Radio. On vous joue plus de 40 minutes de mix dance électro non-stop dans Party Fun sur Fun Radio. It's time to party fun on Fun Radio. Avec Ethan. Ethan, mix dans Party Fun sur Fun Radio. Where you gone?

dans Party Fun sur Fun Radio. Avec Ethan. Fun Radio. I am not the only traveler who has not repaired his debt. I've been searching for a trail to follow. Again, take me back to the night we met. And I have all that I must have seen.

que eres ninguna ya. All these pussy niggas so bad, Maya. Spoiler, spoiler, nigga, why you tripping? Get your booty. Try to look good in a booty. All these pussy niggas so bad, Maya. Spoiler, booty, nigga, why you tripping? Get your booty. Try to look good in a booty. All these pussy niggas so bad, Maya. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know who you call, make me feel right. Spotlight, moonlight, make it white, make it chippin' right. Should be look good in a blue light. This pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight, make it white, make it chippin' right. Should be look good in a blue light. This pussy niggas so bad, my. Ethan, mix dans Party Fun. Party Fun. Sur Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Thank you.

Bonnes vacances, bonnes fêtes de fin d'année à vous tous. Je m'appelle Ethan, on est ensemble jusqu'à minuit ici en direct sur Fun Radio. C'est parti Fun, vous l'écoutez un son 3228, appelez-moi, je vous cale ça, je vous gère ça. Avant le mix de Cachemire à minuit, en attendant plus de 40 minutes de son dance electro non-stop avec Alesso Mercer. Mais avant, le tout nouveau Axwell découvert en premier ici dans Party Fun. Ethan. Fun Radio. We'll be right back. Radio. Fun Radio. Ethan, mix pour vous sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Say you love me, and you are. Fun Radio. Ethan mix dans Party Fun. Party Fun. Sur Fun Radio. Say it ain't so. Why you acting like I don't know? Things between us getting cut though. It ain't adding up. Think I had enough, enough. I could see through you. You did everything you said you wouldn't do. You're praying I don't find somebody new. Ethan, mix dans Party Fun. But now it's all good, babe. Roll that backwood. Ethan. Mix. En direct. Sur Fun Radio. We're gonna make the girls dance. Ain't looking for enemies, but I ain't playing nice. The way you just in me and look me in the eyes. Want some of my own candy, I'd love to see you try. Ain't nothing real about the way you look tonight. Cause I know in the morning you'll be waking up all alone. Posing all over your story with nothing to hold but your phone. You got it bad, all up in your head. Girl, you obsessed. Think that you cool, but you ain't got a crown. Be watching and learning, cause I show you how. Looking at me like you want my man. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ain't looking for drama, promise I'm not gonna compete. So keep on moving, cause you got nothing on me. And learning, cause I show you how. Looking at me like you want my man. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Fun Radio. Ethan, mix dans Party Fun. Party Fun. Sur Fun Radio. Fun Radio. Bonne soirée. Bonne fête de fin d'année avec le mix de Cashmere qui arrive à partir de minuit. C'était Justin à l'area. Et moi-même, Ethan, je vous retrouve mardi soir 20h pour un nouveau Party Fun. Et n'oubliez pas demain, spécial Party Fun Live en direct d'Avoria 1800. On va le fêter ensemble en direct avec Aslove et Matt, le mix de Cashmere. C'est maintenant. Bonne nuit, bonne soirée avec Party Fun. Party Fun avec Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Minuit. Pendant les vacances, les meilleurs DJ sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. WNW, Nicky Romero, Don Diablo, Bob Sinclair, Oliver Eldons, Riyab, Dead Mouse, Jimmy Trumpet, Jonas Blue, Lucas Enstey, Sonny James et Ryan Marciano, Nervo, Florian Picasso, WNW, Nicky Romero, Jonas Blue, Bob Sinclair, Oliver Eldons, Dead Mouse, Jimmy Trumpet, Sonny James, Florian Picasso, Jonas Blue, Bob Sinclair, Oliver Eldons, Dead Mouse. Party. Fun. Et maintenant, Cashmere. Mix dans Party Fun sur Fun Radio. Vos vacances avec Party Fun sur Fun Radio. Cashmere en mix.